Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Black M. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Black M. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Black M. Comment va? Bonsoir tout le monde, ça va très bien. On s'est quitté hier soir avec une info exclusive. Ah, t'attaques direct l'émission avec cette info. Je te prends à froid. Que se passe-t-il vendredi dans l'émission entre 20 et 21? Bah, vendredi, il y a une surprise. Hein. D'accord. Une grosse surprise. Hein, Dawad? Demande à Dawa, il est. Moi, je parle chinois, moi. Dawala est là, bah, dis-le nous en chinois. Attends. Puyao, piao, tien. Ah, voilà. Il a fait ça. C'est le seul mot que j'ai appris en Jap. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est. Ce soir dans l'émission, il y aura du live avec Black M. Il y aura des extraits de ce concert qui a été capté à l'Olympia sort le 8 juin. CD, DVD, on est à 6 jours de la sortie maintenant. Voilà. Exact. C'est lundi prochain, on va pouvoir découvrir des morceaux. On va débuter même d'ailleurs avec Madame Pavouchko, non? Vas-y, comme hier, on peut attaquer, se mettre directement dans l'ambiance. Ouais, c'est parti. Allez, ouais. Black M en concert, ça donne ça. Olympia, attention, ce soir, le concert est filmé. Ce soir, le concert est filmé. Le DVD va sortir. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde debout. Le 8 juin dans les pots. Arrête, Madame Pavouchko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je peux deux hits, Madame Pavouchko. Et vos danses, vos hits, Madame Pavouchko. Oui. Madame Pavouchko, je suis toujours dans l'esprit. Madame Pavouchko, c'est pour mes gars sous oui, Madame Pavouchko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavouchko. Tout le monde fait solo, t'es sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment. Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a boucave, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats les... Oui, je sais, c'est dommage, du coup tout le monde sourd. Allez, Madame Pavouchko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je suis de il, Madame Pavouchko. Et vos gosses me disent, Madame Pavouchko. Oui, Madame Pavouchko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavouchko. C'est bon les gars, sous oui, Madame Pavouchko. Si vous voulez, on se tweet, Madame. Aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête et j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va rigoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que leur guerre se croise, hop, adrénaline. Ah oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets. Ouna kiki kiki. Tout le monde sourd. Arrête, Madame Pavouchko. Non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Pavouchko. Et vos grosses me hits, Madame Pavouchko. Oui, Madame Pavouchko. J'ai toujours autant d'un sbi, Madame Pavouchko. C'est pour mes gars sous oui, Madame Pavouchko. Si vous voulez, on oui, Madame Pavouchko. Je me suis juré qu'un jour vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Lien Crew. Une petite voix me chuchotait. Quelle entrée! Ça prend une petite année, la directrice et l'école. Pourquoi un second de surveillant me demande de vider mes poches? On n'est pas au poste de police et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prenez vos collègues. Vous avez qu'à être en colère. Alice! Et tout le monde fait. Tu meurs. Je veux vous voir taper dans vos mains l'Olympia. Hey, je répète, ce soir, en exclusivité, le DVD de l'Olympia. On veut le feu ce soir, attention. Tout le monde saute. Arrête, Madame Pavouchko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je veux le hit, Madame Pavouchko. Et vos gosses me hit, Madame Pavouchko. Oui, Madame Pavouchko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Pavouchko. C'est pour mes gars sous oui, Madame Pavouchko. Si vous voulez, on se prie, Madame Pavouchko. Et tout le monde solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, mais le braille. De classe les profs disaient que tu faisais partie des plus nasses de l'école. Jette ton cahier, mets le fire. Fire. Et si pour toi un avertissement n'est autre qu'une excuse de plus de divertissement. Jette ton cahier, mets le fire. Fire. Fire. Tout le monde. Hey. sur Skyrock. Attention, mettez le fire. Les joints dans les bacs, Big Black M. Encore une petite frappe. 2014, 2015, 2016, 2017. Vous êtes pas prêts. En attendant, rendez-vous le 8 juin dans les bacs. Pour découvrir aussi la version filmée de Madame Pavoschko avec le son qui va avec, c'est le 8 juin en effet. 8 jours. Ça bicrave, hein. Le CD bicrave. Hein. Ouais, Bicraft, d'accord. Vraiment, ouais, c'est, dream. Cool. C'est cool, c'est cool. C'était le petit mot de Dawala, le producteur. Ça part. Ça parle pas chinois, ça parle réel. Est-ce que d'ailleurs, Dawala, on peut précommander tout de suite si on veut l'avoir? Tout de suite, tu viens. Est-ce qu'on ici, peut aller cliquer? Tu vas cliquer direct. Tu vas l'avoir. Eh ben, allez-y. Allez-y. Ça sort le 8 juin 8 prochain. Juin. Et alors, attends, si vous prenez aussi le support physique, hein, parce que les gens aussi aiment bien avoir des images, les photos qui vont avec, je vois, à côté des dates de concert, qu'il y a marqué. Deuxième album Éternel Insatisfait prévu le... on sait pas, les trois petits points. C'est en préparation. Mais ça y est, t'es dessus là, t'es... Ouais, je suis dessus dedans, depuis, même, depuis longtemps, je suis dessus. Et comme je veux vraiment faire beaucoup mieux, même 10 000 fois mieux que le premier, ben je m'y prends dès maintenant. 10 000 fois mieux, ce serait... Ah bah, si, il faut. 10 000 ce serait bien. 10 000 fois mieux. Ce serait bien. Sinon, ça sort pas. Bon, et ben Éternel Insatisfait en tout cas, c'est le nom, ça y est, on le sait. C'est le nom, ouais. Ça y est. Ouais. Éternel Insatisfait. Éternel Insatisfait. L'Éternel Insatisfait. Black M avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Et si d'ailleurs vous voulez réagir aussi sur cette tournée, si vous avez vu la tournée de Black M, si vous y allez aussi avec le hashtag Black M sur Skyrock, envoyez un petit message. Tiens, il y a Amandine par téléphone qui a été à Lille le 24 avril dernier au concert de Black M. Allô, Amandine. Oui, salut. Comment ça va, Amandine? Ben, ça va bien, merci. Et vous? Eh ben, on est bien, on est avec Black salut, M Amandine. Toute la semaine. Salut, Elsa. Ça va? Ça va, ouais, nickel. Connais mon prénom. Ouais, balance le prénom direct, Amandine. Prénom direct. C'est quoi l'ambiance? Alors, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette tournée de la date du 24 avril à Lille? Bah, j'ai trouvé que c'était vraiment super. En fait, t'as fait un show de malade. Merci. Avec les gens qui t'accompagnent aussi sur scène, qui sont vraiment terribles. Ouais, c'est une grosse équipe qui est avec moi. Ouais, c'est vraiment une bonne équipe. On voit qu'il y a une vraie cohésion et ça envoie du lourd, quoi. Grave, ouais. Merci. Toi, tu as été avec qui, Amandine, au concert? Avec mon chéri, sa sœur et son neveu. En famille, en fait, ouais, c'est vrai que c'est un concert, on vient en famille, il y a plein de gens. Il y a beaucoup de familles. Son neveu de 8 ans, il a kiffé, il connaissait les paroles mieux que moi, même l'agent de sécu, il a halluciné en le voyant, quoi. Le petit de 8 ans, il est vraiment à fond dedans, quoi. Ah bah mortel, ça tue. T'étais tout devant, toi, Amandine? T'étais où? Ouais, on était vraiment tout devant, ouais. Donc t'es arrivé vachement en avance pour l'ouverture des portes, quoi. Avec toute la famille devant. Ouais, c'est nous qui vous avons envoyé les photos, tellement on l'avait bien vu, on a envoyé les photos à Skyrock pour les mettre en ligne direct. Ouais, bah terrible, Amandine. Merci à toi, en tout cas, d'avoir été aussi Skyreporter en direct de ce concert. Le concert et la tournée de Black M. Merci à toi. On te fait un bisou, passe une bonne soirée. Je te demandais si je pourrais avoir une photo dédicacée pour le petit, justement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On va le faire. Ok, Amandine. Super, bah merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. La tournée d'ailleurs à pas louper de Black M qui continue. Dans un instant, je filerai les dates du mois d'août. Hier, on a fini jusqu'à fin juillet. Fin juillet, mais ça va continuer. Et ça continue donc août. Et juste avant, on est avec Lauriane. Salut Lauriane. Salut. Comment ça va Lauriane du côté d'Angers? Toi, tu l'as vu le 7 mars. Oui, c'est ça, très lundi. Salut Lauriane. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça se passe en nickel. Angers. Oui, ça va, un peu stressé aussi. Il monte en première division, ça se passe. Ah, foot, oui. on va parler. Il y a Camara là-bas. Ah, le but en maison. Vous allez jouer en première division l'année prochaine. Tu as des vues dessus peut-être d'Awala sur l'équipe d'Angers? Angers, non, j'ai mes gars sûrs qui sont là-bas, ceux qui marquent les buts. Il y a Camara, Razaghi, un très très grand attaquant qui a fait monter Angers cette année en première division. Félicitations. Et bah voilà, Lauriane. Mais toi, on va peut-être pas parler foot avec Lauriane. Non. C'était juste un petit plan footballistique. On y reviendra dans la semaine, t'inquiète pas. Toi, qu'est-ce que tu retiens, Lauriane, de cette tournée du concert de Black M? Bah, une ambiance de fou. Les gens, ils étaient tous au taquet. Pareil, du bon son, des projos d'enfer. Enfin, c'était vraiment mortel et on s'est trop éclaté. Merci beaucoup. Tu étais avec qui, toi, Lauriane? Moi, j'étais avec une amie qui passe une dédicace à Black M parce qu'elle le trouve trop d'enfer, et avec deux potes à nous. Merci beaucoup. Big up à vous tous. Merci. Et bon, te fais un bisou, Lauriane. À bientôt. Bisous, à bientôt. Ciao, passe une bonne soirée. Je l'ai dit, les dates au mois d'août, à pas louper. Le 1er août, tu seras à Argelès-sur-Mer, le 6 août, au Lavandoux, le 8 août, ça, on l'avait dit hier, c'est à Sainte-Clotilde, à La Réunion. Le 14 août, à Châteauroux, le 15 août, à Avenches, en Suisse, le 16 août, à Colmar, le 19 à Bruxelles, le 23 à Saint-Paul, le 28 août, à Châlons, en Champagne. Yes. Et puis d'autres dates, puisque c'est vrai, on l'a dit, jusqu'à fin novembre, la tournée de Black M à pas louper. Continue. Exactement. On met un morceau live? Ouais, qu'est-ce qu'on se met sur ma route? Sur ma route? Ouais. Ah, un petit sur ma route. Un petit sur ma route. C'est une bonne... Ça aussi, c'est les genres de morceaux, tu peux t'asseoir tranquille. Hein. Ouais, celui-là, je peux poser le micro, tout le monde chante. Celui-ci, tout le monde chante aussi. Tout le monde chante, ouais. Allons, on l'écoute maintenant, version live, ça sort le 8 juin, Black M. Yeah. Black M, le 8 juin, dans les bacs, t'es bête ou quoi? Jibi. Olympia, est-ce que vous reconnaissez cette mélodie? Dédicace à mon gars sûr, Paul. Alors, pour ce morceau, je veux voir tout le monde debout. Tout le monde se lève au fond. Hey, est-ce que vous l'alliance êtes chaud pour chez toi aussi, lève-toi. Dans ta voiture, lève-toi. Africa des tatas, on en son. Faites un maximum de bruit pour mon gars sûr et certain Paul. Shaolin, quel moment magique. Merci Olympia, merci à tous d'être venus aussi nombreux. On va chanter ce morceau tous ensemble. Je répète, est-ce que vous êtes prêts? 8 juin. Dans les boîtes, okay. Le 8 juin. Ok, ok, ok. Un. Tout le monde fait. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Attention Olympia, est-ce que vous êtes prêts pour sauter? Attention, attention. Savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol. Tout le monde chante sur ma route. Fais des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Yo, ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, puis mon équipage est plus qu'endommagé. Je sais, je mets, je pèse les, je veux même plus savoir pourquoi ils me taisent les. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Tout le monde chante. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir. Attention la pierre. Le 8 juin dans les bacs, à ne pas louper. Sur le dernier DVD Olympia, les yeux plus gros que l'Olympia. Est-ce que vous êtes prêts? Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de rose. Chantez. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Yeah. Merci à tous Olympio. 8 juin dans les bacs. S'il vous plaît, jusqu'au fond. Big faites Black. Un maximum de bruit pour vous-même. Va chercher ce truc. T'entends l'ambiance? Hey, Olympia, je n'hésite vous pas. Comme un petit service. Ce grosse soir, tournée. On va faire la photo. Merci de à la tous. Pochette du DVD. Tous ensemble. Le photographe. Voilà, la suite, c'est à voir aussi sur le DVD, évidemment. Black M sur ma route. Yes, la suite, c'est à voir sur le DVD. La suite, c'est à voir dès le 8 juin en image sur ma route. C'est ce qu'on écoute à l'instant. Je crois qu'il y a des gens qui sont installés, si je ne me trompe pas. Les danseurs de ma tournée. Ils sont avec toi. N Crew, ils sont là, en vivant et en direct. Mon gars sur Tony Diaz va prendre la parole, je pense. Non, c'est bon, t'inquiète pas, Tony. On va entendre ta belle voix. Yeah, yeah, yeah. Tony. Comment ça va, Tony? Ça va très bien. Alors, présente-nous un petit peu qui est le TN Crew. TN Crew, danseur officiel du label Watibé. Donc voilà, Rida, Lilno, alias Noëlla, Mélissa, Melilock, Anis Sinastai et Tony Diaz. Tony Diaz qui est là. C'est quoi d'ailleurs l'histoire du TN Crew avant de vous retrouver sur les différentes routes de Black M? Donc, nous c'était très simple. Moi je donnais des cours de danse et j'entraînais la petite sœur Noëlla. Et après on a récupéré en route Mélissa. Et Anis et Rida, ils sont arrivés dans ma salle. Vous venez d'où, à l'origine, vous êtes où? On est du 95. Et nous on vient d'ici, Paris, Rue Grenetta. C'est vrai? Juste en bas. Juste en bas. Ils étaient là, ça fait longtemps, ils traînaient. Non mais je reconnais quelqu'un. Ça me on était avec Intouchables à la fin quand on partait, on les voyait, ils étaient dans le square là-bas, ouais, en train de danser. De très bons danseurs. Très bons danseurs. Et il y a des comiques aussi dans le groupe. Des comiques, ouais. Il y en a deux, c'est des comiques. Mais bon, tranquille. Oui, peut-être deux, trois anecdotes à nous raconter sur cette tournée, deux, trois choses qui se sont passées, Black M, entre deux dates, dans les tourbus. Il se passe tellement de choses, bon, tu sais quoi, je vais en parler, je suis obligé de t'en parler. HQ ou fait non SDJ HQ. Pas les images. Tranquille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Merci pour l'anecdote, c'est bien. Bon, on voulait mettre dans le bonus du DVD un clash de danse entre Anis du TN Crew et DJ HQ. C'était sur trois rounds. Il y a eu un round dancehall, l'autre c'était quoi? Hip-hop et après House. Et voilà. Mais HQ, lui, il a déjà fait un combat. Mais moi, DJ HQ, il a pas voulu qu'on mette ses images sur le DVD. Non. Parce qu'il assumait pas. Il dit parce qu'il assumait pas, mais. Il a perdu. En attendant, je t'ai battu. Je t'ai lavé. En attendant, je t'ai lavé. J'ai demandé qui a gagné. Je t'ai vu là. Franchement, c'est compliqué qui a gagné. C'est compliqué. Il faut un quatrième round. Faisons-le maintenant. Peut-être ici. Faisons-le maintenant. C'est parti. Quatrième round, Zouk. HQ, t'es prêt ou pas? Un petit coup de Zouk. Quatrième round, Zouk. Zouk, c'est sur Zouk. Il va te battre. Je crois qu'il est bien entraîné là-dessus. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il est bien entraîné en tout cas. Bon, donc ouais, c'est important aussi les danseurs sur une tournée. Black M, toi, c'était quelque chose important grave. D'avoir, de représenter aussi cette culture qui est la danse. De fou, ouais, grave. Ça fait partie du hip-hop. Mmh. Et surtout sur la scène, bah, il ramène quelque chose visuellement. Et donc voilà, moi le visuel, j'aime beaucoup ça, que ce soit la scène, les clips, etc. Donc ils sont là avec moi. Et nous, on voulait surtout remercier Black M parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs, surtout de rappeurs français, qui ont des danseurs, qui osent mettre des danseurs. Donc, qui osent même danser. Ouais. Qui osent même danser. C'est vrai. Tu donnes aussi ta personne. Il n'y en a aucun qui fait moonwalk en fait. Je crois que je suis le seul à faire le moonwalk dans le rap français. C'est vrai, donc c'est vrai, tu le fais. Merci et même l'applaudir. Tranquille, merci. Merci à vous les mecs. Oui. Bon, vous aussi, vous avez plein de bons moments en tête, plein de bonnes choses, plein de bonnes vibes autour de la tournée. Ouais, bah ouais, ça se passe bien, on rigole bien. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous mangez bien aussi en tournée? Tu fais le timide là. Est-ce que ce qu'on appelle le catering dans le milieu est bon aussi? Est-ce que... Ouais, on mange bien maintenant. Un dawala. Maintenant. Maintenant. J'en donne une bonne portion maintenant. D'ailleurs, on voulait remercier Dawala. J'ai oublié. Pour l'ensemble de son œuvre. Depuis le début, il nous a monté jusqu'ici. Et encore merci à Black de nous avoir fait confiance. C'était notre rêve d'être pas indispensable sur un show, mais d'être utile. Très bien, et puis on vous retrouvera peut-être avant la fin de l'émission. Faut dire qu'il mérite aussi, Ten Crew, c'est des gens qui se battent depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, ils ont eu la chance, et on va dire de la chance, mais ils ont beaucoup travaillé pour être aujourd'hui champion d'Europe, comme j'ai l'habitude de le dire, et champion du monde. Aujourd'hui, ils s'occupent des jeunes, des quartiers populaires. C'est une référence aujourd'hui dans le milieu de la danse. Ils sont avec nous depuis Casquette à l'envers. Et on peut vous suivre. Il y a des réseaux sociaux directement dédiés au TN Crew. Ouais, il y a une page Facebook TN plus loin Crew, une page Instagram TN Crew officiel, tout attaché, et bien sûr sur Twitter TN Crew Watibé, tout attaché. Eh ben merci à vous, mesdemoiselles. Vous voulez jeter un truc parce qu'on n'a pas entendu vos voix, les filles. Dépasser une petite dédicace, un petit message, rajouter quelque chose sur ce qui a été dit. Un message à tous nos élèves, la Dies Family, voilà, TN Crew, on est là. Merci Dawa, Black, Axel, tout le Watibé. Et big up à mon groupe TN Crew. Et merci. Et donc la tournée continue pour avoir. La tournée continue. Des nouveaux pas arrivent. Attention, je vais en faire plus. Bougez pas dans un instant. Nous, on revient. Qu'est-ce qu'on mettra comme extrait du live, Black M? Qatari. Très bien. Ne bougez pas, ça après ça. Qatari, ouais. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Black M sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Black M, notre invité, avec la sortie du CD-DVD lundi 8 juin, à pas louper. Il y a des extraits, on va en passer un d'ici quelques minutes. Il y a vous aussi en freestyle, il y a vos réactions pour repartir avec des t-shirts aussi, Black M. Hein. Exact. Avec t-shirt. Le hashtag Black M sur Skyrock, il suffit d'envoyer un petit souvenir du concert, une photo, un petit message. Je sais qu'il y a énormément de souvenirs en concert, j'ai vu là sur mon Twitter un peu, continuez à envoyer. Donc le hashtag Black M sur Skyrock et vous repartez avec des t-shirts, voilà, des t-shirts exclusifs, non? Spécial Qatari. Spécial t-shirt dit au Qatari que je vois plus cher que Cavani. Allez-y, vous envoyez avec le hashtag Black M sur Skyrock et on va écouter un morceau live maintenant, Black M, avant de te retrouver aussi pour une session live dans le studio. Parce qu'on avait promis le morceau Qatari, mais on va le faire en live ici. On le fera en live d'ici quelques minutes. Et on se met The Shinsekai. Shinsekai. Deuxième fois. On balance ce morceau. Yes, okay. Leur album arrive très bientôt, je précise. Indéfini, bientôt dans les bacs. DJHQ. Yeah. Indéfini. Dadju, tu as choisi le mauvais côté. Le temps qui passe n'effacera pas tous les souvenirs que tu gardes, mes erreurs. D'accord. Je deviens meilleur. Tu dis que t'es lassé de me voir constamment occupé sans m'inquiéter de tes arrières. Je deviens meilleur. Oh, laisse parler ceux qui ne comprennent pas. Je dois faire du bif sous la pression de tes lampes. Si voilà, bien, est-ce que vous êtes prêts? Mon absence est attention, tout le monde tape dans ses mains. Tout le monde fait 1-1-1-1-1. Gigi, dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer des. Je veux votre participation, Olympia. Les gens du fond. Que tout le monde peut 1-1-1. Tout le monde. 8 juin dans les bacs. Get l'ambiance, get, écoute. Attention. Et ça fait 1, 2, 1, 2, 3. Bordel. L'amour est une balle perdu comme le temps, perdu comme nos âmes, perdu comme la femme de nos sentiments. Qu'est-ce qui ne va pas, tu ne sais plus. Je comprends bien que j'étais assez déçu. Oublie-tu donc tout ce qu'on a vécu à nos débuts. Tout cela est inévitable, c'est exécrable. Tout ce que je veux, c'est baisser les armes et sécher tes larmes. J'ai connu beaucoup de femmes et tu demeures. Et si tu veux le meilleur pour moi, je ne comprends pas. Et tout le monde fait 1-1-1-1-1. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de recommencer les. Shinsekai, indéfini. Et tout le monde fait 1-1-1-1-1. Dis-moi qu'est-ce qui nous empêche de. Tu croyais que c'était fini, hein. guette l'ambiance. Et ça fait 1, 1, 1, 1. Bordel. Tu m'adresses la parole que quand ça t'arrange. Ça t'arrange. M'agresse comme si j'avais des comptes à rendre. Intervention du TN Crew. Je regrette, oh mon Dieu, Anis et Mélissa. Attention. Quelle est la raison de nos prises de tête? Je ne vois plus le jour à travers cette prise de tête. Tu veux voir 8 dans les bacs. 8 juin. Attention. Je regrette, oh mon Dieu, je regrette. Mélissa. Et je regrette, oh mon Dieu, je regrette. Vas-y. Regarde-moi, je veux que tu m'aimes une deuxième fois. Regarde-moi, je veux indéfini. Une deuxième fois. Regarde-moi, je veux depuis une de D, deuxième de G, fois. Les mureaux. Ah. Là, je ne sais pas si t'as. Voilà, ouais, c'est exactement des. Stop. La suite sur le DVD. Autour ou sur le CD. Stop. Affaire à suivre. Yes. Shin Sekai, ça arrive, hein. Ouais, leur album arrive très bientôt. J'ai écouté, c'est extrêmement lourd et je tiens à préciser qu'en live, ils sont impressionnants. Ouais, j'allais te demander justement ce que t'as ressenti en les voyant évoluer. Ils sont impressionnants, ils font peur clairement sur scène. Quand ils viennent au moment de sur le show, quand ils viennent sur scène, ils ramènent un souffle au concert. Et moi, parfois, je me mets sur le côté et Tu regardes. Ils ont pression, de l'énergie, hein, beaucoup pression, d'énergie. Ils ont l'énergie tale, c'est un ouf. Ils ont fait des sauts de 3 mètres. Le type. Bon, en saut, t'es pas mal aussi, hein, Black M. Hein? Ouais, pas mal aussi. C'est autre chose. C'est un autre truc. C'est autre chose. Moi, je plonge dans le public. Ouais. Lui, saute sur place. Ça y est, à un moment, d'ailleurs, quand t'es dans le public, à un moment, je me dis merde, comment le mec va ressortir du truc? Non, tranquille. À l'Olympia? C'est prévu. Tranquille. Il y a Badji l'ours. Oui, oui, sur le tech. J'ai fait pire, hein, j'ai fait Bercy. Bercy, j'avais plongé, je me rappelle. Tu reviens, t'as des griffes, t'as des trucs de partout là. Ouais, en général, ouais, mais tranquille. Il perce tout le temps sa casquette, mais il s'en fout. Il y en a d'autres. D'ailleurs, il y en a d'autres. À quelle Wati boutique? Hein? Ah, le Wati boutique, bah, c'est toujours à Lyon. On a Marseille. Et à Paris. À Paris, bien sûr. Conakry bientôt. Conakry. À Bamako. Bamako, tout ça. C'est pour quand? Le monde entier, quoi. On attend. Qu'est-ce qu'il y a eu comme info? La TN Crew qui commençait à danser. Ah ouais, c'est ça. Bah, dans un instant, voilà, on a bougé. Non, je disais, à Châtelet, rue de la Ferronnerie, c'est la boutique mère. Après, il y a Lyon. Après, on a Marseille. Et on a la boutique en ligne. Voilà. Qui pour retrouver bien, qui toutes les bien. Casquettes. Voilà, retrouver toutes les casquettes. Et toutes les tenues. Yes. Porte. Aïe. Nino de Clermont. Salut, Nino. Salut, Fred. Bien encore. Ça va et toi? Je te présente Black M. Nino. Avec l'équipe. Bien encore, Lino. Black M, bientôt d'ailleurs, je crois que c'est au mois de juin que t'es à Clermont, il me semble. Ça va être tout de suite là, hein, rapidement. Je commence à voir les affiches là. Clermont, ouais, c'est bientôt. Ouais, ouais. Gros sale. Et bah, Nino, est-ce que tu es prêt à nous faire un freestyle maintenant par téléphone? Oh, ouais, j'ai pris. Allez, on t'écoute, c'est sur freestyle par téléphone, Lino. C'est parti, Nino. On sent. Ok. Écoute. 1. 9 milis dans la boca, c'est le petit comme mal, le mené tous les mélodrames. Dans la manne, j'ai le mag, j'ai la manie, je les élimine, les illumine, c'est terre, tous les mythomanes. Mais à la mode au mag, c'est le CLS Nord. En fait, t'as mis une plaquette dans la baisse Nord. Dans la ville, j'ai des vues qui sont difficiles. Pelle au parfum de mag, que je pète le sort. Obstiné persiste dans l'illégal. C'est le phénomène au mag, demande à mes gars. On veut la vie de rêve sur un Malaga. Souvent, il tapait à la mort, j'ai la baraka. Probablement l'un des meilleurs de ma gêne. MC, très peu respectable. Passe à la pièce, des quoi inhalé. Ouais, ça, c'est peur en passant sous la table. Chaval ta mère avant que les balles pleuvent. Je te mets toi et ta clique, fallait pas la ramener. Ils font de la merde, ouais, ils font ce qu'ils peuvent. Ceux qui veulent nous arrêter ne sont pas nés. Entre des concerts, entre des gardes, on veut juste passer par entre des artistes. Ça fait qu'un an que je suis vraiment dans le rap. J'ai l'impression que t'as putain de relève à l'air triste. Je passe mon temps à gratter des textes en pensant ce que je ferais si mon art de gloire sonne. Mon frère m'a dit qu'on s'en sort pas de rapper comme tout le monde, c'est mieux de rapper comme personne. Je prends des nouvelles du cartel. Sur ce qui se passe, on m'a dit de me taire. Moi-même, fait s'en fout que je rappe. Elle veut juste pas que ça me fasse faire de la tête. J'ai les idées fixes, j'ai les rimes, c'est les guidées. Rispercise dans les vies, je les IV, vise, je vise le site. Je décide, vis qu'il est perquis. Je suis loupant sur lequel il faut miser. Laisse-moi prendre mon souffle. Qui se fait comme moi à remplir. Fais pas craindre si tu souffres. Si ton compte à boire qui remplit. À l'instant, en live, Nino de Clermont. Et pour filer la date, la prochaine, justement, c'est 13 juin à Clermont, au Zénith d'Auvergne, pour Black M. Ouais. Chez toi, Nino. Merci à toi, Nino. Ouais. Merci à vous. Petit dédicace, petit message à passer. Ouais, je fais une grosse dédicace au lycée Ambroise Brugère de Clermont. Je fais une grosse dédicace à tous les quartiers nord, tous les quartiers sud. Et voilà, c'est tout. Et bah, merci à toi, Nino. Passe une bonne soirée. Allez, ciao. Ciao, Black M avec nous. Black M, la tournée qui va enfin exister en CD, en DVD. C'est tellement rare aussi dans le rap d'avoir des CD, DVD de qualité. Voilà. Avec voilà, la réalisation, le son bien mixé. Les images. Les images qui vont avec. Ne loupez pas le 8 juin la sortie de ce CD, DVD, Les yeux plus gros que l'Olympia. Yes. Là, ils vont C'était Capital Olympia, hein, Paris. C'était Capital Olympia. Pour tous les gens, parce que c'est vrai que ça reste une salle quand même particulière. Elle est belle la salle. Hein. Il y a tellement d'artistes qui sont passés dans cette salle. Quand t'as vu d'ailleurs Black M en lettres rouges en concert. Je croyais pas, pour moi c'était un rêve. Et t'as fait une photo? Ouais, j'ai fait quelle photo? J'ai fait 40 000 selfies. Plus de place dans mon téléphone. Bon, on va écouter un extrait du live. On en balance un. Yes, un autre extrait. Allons-y, un extrait de ce que tu veux. Peut-être qu'on peut remettre aussi on peut remettre le Foutu Mélodie. Tiens, vas-y, ouais, Foutu Mélodie. Foutu Mélodie ? Ouais. Allez, c'est parti, c'est extrait du CD live de Black M. Et dans un instant, il y aura aussi un autre live, mais dans le studio cette fois-ci. Préparez-vous à brancher aussi les... Préparez-vous, parce qu'il va y avoir dans quelques minutes de la chorégraphie à pas louper. Et on balance le morceau Foutu Mélodie, c'est parti. Vous avez entendu Olympia ? La Bengance. Ça ressemble à cette foutue mélodie. Ce truc ne vous dit rien. Oh, ça recommence. Shit. Oh. Oh. Cette foutue mélodie vient du fond de mon hall. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence. Peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais, j'entends. J'entends. Et chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Cette foutue mélodie a fait de moi l'un des mecs les plus wanted. Je me souviens plus pourquoi je devais sûrement être pompette. Apparemment je n'ai fait que camper devant les toilettes. Alors que j'attendais cette fille comme si c'était ma go. J'avais pas le comportement mais la tenue la plus correcte. J'étais l'ami de tout le monde, simplement celui qu'il faut être. J'ai cru me faire un pote mais on m'a dit que c'était son mec. Qui croyait finir au télo, j'ai fini KO. Une minute, ça me revient, la gola. N'y est pour rien car c'est moi le connard. Le coca dont j'ai hérité et mérité. Le collal, tout le monde l'a mollé. Cette foutue mélodie vient du fond de mon hall. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. J'entends. Ouais, j'entends. Oh, oh, ouais, j'entends. Cette foutue mélodie a failli me faire rater mon mariage. J'avais juré fidélité devant les principes de Marianne. Stop les boîtes, stop les femmes. Marre de répéter la même histoire tous les Saturday night. Donc pour cette fameuse cérémonie j'ai fait venir mon DJ. J'suis devenu un autre homme frérot, j'sais pas si t'as pigé. Loin du ticard et proche du grand départ. Le genre d'amour que l'on comprend même sans les pas. Une minute, je lui avais dit de ne pas mixer. C'est inédit et ce connard s'est pas fixé sur ce que je lui ai dit. Résultat, tout le monde l'a mollé. Cette foutue mélodie vient du fond de mon rôle. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence. Peu importe où je me trouve, j'entends. Ouais, j'entends. Oh, oh, ouais, j'entends. Et chaque fois ça recommence, peu importe où je me trouve. Cette foutue mélodie n'a qu'une envie, c'est de nous diviser. Je l'ai vu faire tout le contraire de tout ce qu'on visait. Un succès censé nous souder, soudain nous a brisé. On pensait être vrai mais en fait on a tout faux. Cette mélodie m'évade, m'éloigne de la réalité. J'ai du mal à réaliser. L'album est dans les bacs, maintenant t'as plus qu'à retweeter. J'aurais jamais cru qu'un jour j'y arriverais en solo. Une minute, on nous avait dit que la musique et le succès, plus le bip, c'est nuisible. Suis-je maudit, si je faiblis, je crois bien que c'est uniquement de ça. Faut ta haine, cette foutue. Didier HQ, foutue mélodie, TN Crew, mélodie. Olympia, ça va toujours. Shit, c'est Kai. J'avoue, j'ai du mal à tourner la page. J'ai cette pression au cœur, l'impression d'être over. Vendetta, des regrets. J'avoue, j'ai du mal à tourner la page. J'ai cette pression au cœur, l'impression d'être over. Cette foutue mélodie vient du fond de mon hall. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je m'en médium. Car chaque fois ça reconnaît, peu importe où je me trouve, j'entends. Et j'entends. Oh oh, moi j'entends. Le 8 juin dans les bagues. Et chaque fois ça recommence, yeah. Peu importe où je me trouve. Vas-y, dis ce qu'on a dit. Faut du mélodie. Faut du mélodie. Faut du mélodie. Faut du mélodie. Quelle ambiance incroyable. Et c'est comme ça sur toutes les dates, hein, Black M. Franchement, sur toutes les dates, c'est comme ça. C'est un truc de dingue. Toutes les dates, il y a de l'ambiance, petite salle, le public. Grande salle. Petite, ouais, voilà. Petite grande salle, le public toujours différent, mais ils sont toujours chauds. Ouais, toujours maillot. Ça mouille le maillot. Mais en vrai, beaucoup le nord, dans le nord, c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment. Commence pas à t'éclater, à dire le nord. Non, c'est vrai. Dans le nord, c'est bouillant, titime. Et oui, en effet, l'ouest. C'est vrai ou pas? C'est mieux. Ouais, de ouf, c'est clair. Moi, tu dis comment ouais, ouais, nord, même Belgique, tout ça, ils sont chauds de ouf. Chaud. Bon, partout. Merci HQ, merci Black M aussi. Mais je pense que là, de toute façon, la tournée va aller partout, va t'emmener partout. Yes. Tu retrouveras encore d'autres ambiances pour cette grosse tournée de Black M. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour faire un live ici dans le studio? Live and deal. Je pense qu'ils sont prêts. Je crois que tu as besoin de ton équipe. Alors, le live sera dispo tout à l'heure à partir de 21h. On va le capter maintenant. Yes, et je vais juste passer une grosse dédicace avant à mon gars sûr Esprit Noir qui vient de sortir son projet qui est sorti lundi. Hier. Le monde ne suffit pas. Très, très, très, très lourd à aller chercher. Vite, à écouter rapidement. Esprit Noir, merci. Qu'on salue et qui viendra bientôt. D'ailleurs, on va faire bientôt une nocturne. Ainsi avec que Esprit la surprise Noir de vendredi. Ah. Attention, n'oubliez pas. On dit toujours rien d'ailleurs, comme on dit toujours rien. Tu me lances une perche. Non, t'es pas prêt toi. Je peux juste te dire que jeudi, il y a le clip de Black Shady, partie 3. Ça d'accord, ça on le sait, mais vendredi. Rap, je sais pas, c'est... Non, je peux pas dire. Je peux rien dire. C'est une grosse. C'est un quelque chose qui va réveiller le rap français. Voilà. Casquette roi. Une nouvelle. C'est un réveil, c'est réveillez-vous. D'accord, bah si vous avez une petite idée, dites-nous, hein, balancez avec le hashtag Black M sur réveillez-vous. À votre avis, que va-t-il se passer vendredi dans l'émission? Bon là, en attendant, on est mardi, on est tranquille. Je vois toute l'équipe du TN Crew qui est en train de s'installer dans le studio. Je vous l'ai dit, les images, elles seront dispo à partir de 21h sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait comme live maintenant, Black M? Qatari. Avec mes gars et mes gosses sur le TN Crew. Quand vous voulez, messieurs. Et mesdemoiselles. Shaolin Gansu. Démonstration live de Skyrock. TN Crew. Yeah. Là sur DB. Ah. X1X 19ème d'Anub. Ah. X1X 19ème d'Anub. Allez-y. Ah. C'est Skyrock. Skyrock, tout le monde dit Skyrock, tout le monde dit Skyrock, tout le monde dit Skyrock, Skyrock. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir de vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Tout le monde. Dites aux Qataris que le Watib il vient de Paris. Dites aux Qataris que le Watib il vient de Paris. Dites aux Qataris que le Big Black Game il vient de Paris. Dites aux Qataris que je veux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir de vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Dites-leur qu'ils commencent par la 9ème zone, là où l'homme tu ne peux pas le raisonner. Geek depuis l'époque de la zombie, pas le jour adhérent à la zombie. Marche, casquette à l'envers, y'a pas eu que des clips dans le square d'envers. Bali Denja, la goutte d'or qui fait déborder le bazo. Écoute-moi, trop de clichés, la même merde jusqu'à place de Clichy. Méga figé, obligé de kicker, montrer que je peux les monter en l'air. Wesh, riquer, crimer, cambrer, dites-leur pas de mec en vrai. Bali Denja, la voilà dealer. Tout le monde, dites Plutôt Qatarique, l'Ouattibé, ils viennent Paris. Allez leur dire. Plutôt Qatarique, l'Ouattibé, ils viennent Paris. Plutôt Qatarique, le Big Black M, ils viennent Paris. Plutôt Qatarique, je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir de vos zéniths. Ramenez-moi vos émirs. Alors là on fait comme si c'était le live. Live, tu vois ou pas? Comme si on était sur scène. Place Cressois. Les autres. On fait l'enchaînement comme si on était sur scène. Le TM Crew, vous placez des pas de danse encore ou pas? Rida, allez, vous êtes chaud? 1. Yeah. TM Crew, toujours présent. Les autres. On ne les voit même pas, on sort du lot. 1. Ils n'ont pas l'attitude pour être des nôtres. Rida. Et nous dans nos habitudes et du temps pour 1, 2, 3, Rida. Pose ton match aux Alem, puisque c'est ça qu'elles aiment. Pose ton match aux Alem, c'est Paris, pas Arlem. Rida. Pose ton match aux Alem, fais kiffer mes alliés. Rida. Pose ton match aux Alem, okay, ton okay, ennemi okay. Prend le mal même. Même avec tes gros bras, tu finiras bêtement fatigué. Tout ce que t'as physiquement ici, on te le masque avec un billet. De mecs de ma table qui se sont tous déjà éparpillés. Si ta bouteille fait des étincelles, ça veut pas dire que t'es né pour briller. Skyrock, ah. On est sur Skyrock. On fait comme si c'était le live. Yeah, tout le monde tape, chez toi tape. Dans les studios, Badji, je te vois pas taper. C'est comment on fait des jeux qui tapent pas. Nizar, tranquille, t'as trop filmé. JC au tape, Fred, hey. Chez vous taper. C'est le Big Black M sur Skyrock, le DVD sans limite. Tony Diel, c'est comment? Est-ce que vous êtes toujours là? Matusalem, puisque c'est ça qu'elle est là. Boston Matusalem, c'est Paris, pas Harlem. Boston Matusalem, fais kiffer mes alliés. Boston Matusalem, ton ennemi, on le malmène. Attends, on va continuer comme en live, tu vois. À ce moment précis, j'appelle Noëlla et Mélissa, les danseuses du ventre, cracheurs de feu. Le génie aussi est parmi nous. Attention. Sous-estimer le black, ne fais plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Flow Mélissa, Mélissa, Mélissa. Sous-estimer le black, ne fais plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Flow Encore. Sous-estimer le black, ne fais plus jamais ça. Sinon je te fais payer le triple comme à jamais. Flow 1-1-1-1-1. Sous-estimer le black, ne fais plus jamais ça. Sinon je te fais payer le dribble comme à jamais. Non. Noëlla. 1-1-1-1-1. Oh. Mélissa. Ok, stop. TN Crew dans la place. Yes. TN Crew, bravo. Bravo, Black M, bravo. TN Crew à l'instant. Merci. Et les images dispo là, juste à la fin de l'émission sur skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com. D'ailleurs, TN Crew, parce que moi, je reçois souvent des mails et beaucoup de demandes aussi. On peut avoir des cours, avoir des renseignements. Pour les gens qui ont envie de faire de la danse, faire du hip-hop. Oui, il y a beaucoup de stages. On fait des stages dans toute la France. Donc TN Crew, faut regarder sur le site Jazz Family ou sinon TN Crew, les réseaux sociaux, normal. Annie, donc il y a aussi une transmission, il y a des cours aussi qui sont donnés. Et il y a une grosse génération derrière, vraiment il y a grâce du monde au moins. Dance Crew, ouais. Smoking Sina. Bon, en même temps vous êtes jeunes aussi les gars, quand je vois danser. Venir s'inscrire. Hein. Nos petits sont champions de France cette année. Donc il y a une grosse génération, donc si vous voulez de la qualité, c'est chez nous que ça se passe. Donc TN Crew, TN Crew, Didier HQ aussi, il est champion de France. Avec quoi, du zouk? Non, mais ça. Du zouk tard en soirée, quoi. Non, on voulait aussi remercier Didier HQ parce qu'en tournée, il nous donne beaucoup de conseils et voilà, c'est grâce à lui aussi. HQ, sacré danseur quand même, non? Ouais, c'est un bon danseur. Ouais, il danse, hein. Oh, tranquille. HQ, quand même. Mon gars, rappelle ton palmarès. Mon palmarès? Ouais. Ah ouais. De danseur. C'est un danseur. Mon palmarès de quoi? De danseur. Mais tu sais que lui, il a tout rappeur. Fait dans le hip-hop. Hein. Il a rappé, il a dansé, il a graffé, il a tout fait. Et on a des sons de où il rappe, ouais, déjà, tu veux connaître son nom de rappeur avant? Ah ouais. Ah oui, ça m'intéresse quand même. Je dis que s'il m'autorise. Tu peux dire. HQ, il a autorisé. Il a dit. MC Hazel. le MC des demoiselles. Parfait. Azel. Azel Timon. Mais Dawala, il voulait pas me signer en fait. À cette époque, Dawala, il voulait pas lier ici. À cette époque, il voulait pas me signer. Tu te souviens, Dawala, il t'a envoyé des chiots. Tu te rappelles pas de ses maquettes. Et voler. Et aussi, il y a un gros truc qui arrive. Moi, avec le TN Crew, on prépare un gros truc qui va arriver aussi. Un gros projet. Vendredi. Ça là, sur vendredi. Non, pas vendredi, c'est pas ça. On fait des projets en secret, on sait même pas. D'accord. Mais c'est pourquoi au moins on a une proximité. La rentrée. La rentrée septembre. Ouais. Rentrée septembre, donc à suivre sur les réseaux sociaux, le TN Crew, DJ HQ évidemment, ou alors MC Azel. Ah ouais, merci PDG. N'oubliez pas la surprise vendredi. N'oubliez pas. Tiens, on va en reparler dans un instant et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Ça marche. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50 euros de chèque cadeau. On vous met bien, non ? Kevin, tu habites en Bretagne, c'est ça ? Étables-sur-Mer ? Ouais. Eh bien, bienvenue dans le Planète Rap de Black M. Comment ça va ? Ça va, ouais. En pleine forme, est-ce que tu as vu, toi, Black M en tournée ? Ouais, deux fois. Ah, tu l'as vu deux fois déjà, Kevin ? Ouais. Tu l'as vu où ? Avec la section et en solo, à Rennes. Et tu l'as vu du côté de Rennes, en concert ? Voilà. Et alors, bon moment, pareil, tu t'es bien éclaté ? Oh ouais, super. Très bien. Et ben voilà, Black M avec nous. Le public, tiens, Black M. Black M. Je te présente Kevin qui t'a vu déjà deux fois. Yes, Kevin, c'est mon gars. Tu étais occupé à régler deux, trois pas de danse. Ouais, excuse-moi, je réglais un truc rapidement. Ça va, mon sauce, Q. Mais les Bretons, bon souvenir de Bretagne, puisqu'on parlait du nord de la France. Mais bah, tu t'as vu deux fois à Rennes. Grave. Une fois avec la section, une fois en soirée. À Rennes, ils sont chauds en plus. Ah bah ouais, c'est nous. Très chaud. Et ben voilà, Kevin, tu y étais en plus. Tu fais tourner la roulette. Ouais. Total bonus pour toi, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. La roulette, Kevin. Et ben voilà, 50 euros en chèque cadeau plus l'album de Youssoupha, Négritude. Album de Youssoupha à pas louper. Je sais pas si t'as eu le temps d'écouter extrêmement la sortie de l'album. Je l'ai écouté, quand je l'ai écouté, j'ai écouté dans l'avion en revenant dans les 24 heures. Extrêmement lourd, big up à Youssoupha. Et ben on t'envoie ça, Kevin, en Bretagne. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Ouais, bientôt aussi. Ciao, merci pour cette belle soirée. On va rappeler, et je crois qu'il y a 2-3 dédicaces aussi de la part du TN Crew. Ouais, on voulait faire une grosse dédicace à toute la Diaz Family, à Goldoni et à Magou sur Ryan. Voilà. Très bien, le message est passé. Et allez suivre donc TN Crew, Diaz Family aussi. Yes. Une grosse dédicace à Toufik, mon manager. Aïe, Toufik. Aïe, Toufikito. L'ancien. Demain, Black M, nous allons revenir entre 20 et 21. Demain, nous serons à 48 heures de la surprise. C'est quoi, que c'est vendredi. Demain peut-être je te donne un tout petit indice. Ah. Mais c'est pas sûr. Hein. Ah. Je viens, normalement c'est moi je fais les gros œufs là, il m'a fait les gros œufs là quand même. Voilà, d'avoir un petit indice demain. Vas-y, demain je te donne un indice. Vas-y. Vas-y, je vais dire quoi ? Mais je sais pas. Je sais pas encore. On verra. Ah, tu peux le donner maintenant, donne-le maintenant. Non, pas maintenant. Peut-être demain, tout petit indice. Arrête tes conneries. Peut-être on verra. Demain, un cadeau. Comment tu vas donner le cadeau avant ? Mais une surprise. Bah voilà, regarde par exemple ça pourrait être un très bon indice, un cadeau. Oh, mais tu l'as grillé. Voilà, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Il est là l'indice. Merci à toi, Black M. Merci à Dawala. Merci à vous tous. Le Wati PDG est dans la place. Il y a eu encore des messages qui sont tombés pour lui. Merci au TN Crew, l'équipe Yes Family. Merci à HQ qui était là. Yes. Et toute l'équipe. Rendez-vous mercredi. Passez une bonne soirée. Ciao. Il est grand temps de retrouver D-Fool maintenant. Eh oui, c'est la radio libre. C'est parti. Merci Black M. Merci Fredo. Et rendez-vous demain pour un super Planète Rap. C'est presque du live, Planète Rap, c'est l'histoire là. À pas louper. Et là, c'est parti. 21h-9. Autrement dit, on a le temps de se préparer, mais on arrive dans 2 minutes là. Dans 2 minutes, juste après le son de Omi. Eh oui, on entend. 3 minutes 30. Waouh, exactement. C'est très précis. C'est parti. Omi qui est venu nous voir il y a 15 jours. Et ce soir, on a des invités qui sont là. Eh ouais. Et c'est Big Flo et Oli qui débarquent. Ils seront là tous les deux, les deux frangins toulousains. D'ailleurs, c'est une histoire de famille entre frangins, si vous entendez bien ou pas, entre frangins. Appelez-nous, on vous attend en direct. Pour tout le reste, vous nous appelez aussi 01 53 40 30 20. Petit coup de fil ici à Skyrock, le 41 759, l'appli Skyrock et le Skyrock.fm pour nous laisser des messages. Bonjour à Estelle qui salue Black M, il sera là demain 20h. Black M, bonjour à Rebecca, bonjour au beau gosse, bonjour à Choupé Choups, à Jomel qui vient d'arriver, à Edouard. Ah, Edouard qui est content parce que Big Flo et Oélé arrivent. Edouard qui vient du 31. Ah, bah, chez ses œufs, hein. Les Toulousains sont là dans un instant après Omi et Cheerleader. Allez, c'est parti, on y va. Total respect, zéro limite, zéro.